Les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le Libera, le De Profundis. Le service dura 20 minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de cœur qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe. Il n'y a point de suite, dit le prêtre. Nous pourrons aller vite, afin de ne pas nous attarder. Il est 5h30. Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées, mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père Lachaise. À 6h, le corps du père Goriot fut descendu dans la fosse autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait. Un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et ensevelit sa dernière larme de jeune homme. Cette larme, arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elle tombe, rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages, et, le voyant ainsi, Christophe le quitta. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris, tortueusement couché le long des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses : « À nous deux, maintenant !» Et pour pur miracle du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez madame de Nucingen. Sachez, septembre 1834.